إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, qu'est-ce qu'on va essayer d'expliquer? C'est l'islam authentique. Et comme vous pouvez en juger par le titre, c'est un sujet assez vaste et assez qui demande assez d'explications et d'élaborations. Mais bon, on est capable, Inch'Allah, de faire un petit résumé de ça. Et en fait, pour comprendre bien comme il faut l'islam authentique, comme vous devez vous en douter, Yanni, c'est impossible de clarifier ce sujet, excepté Yanni, si on explique la réalité de qu'est-ce que c'est le tawhid. Parce que la réalité de l'islam, c'est le tawhid. Le cœur de l'islam, c'est le tawhid. Donc, sans tawhid, il n'y a pas d'islam. Le tawhid, c'est la base de l'islam. Et si on n'a pas compris le tawhid, on ne peut pas comprendre l'islam. Et c'est étonnant, surtout à notre époque, de constater que il y a beaucoup de cours qui se donnent sur l'islam, il y a beaucoup de conférences qui se donnent sur l'islam, il y a beaucoup de livres qui sont écrits sur l'islam et sur différents sujets et différents aspects de l'islam. Et il y a différents livres qui sont traduits en français sur l'islam également. Toutefois, on constate quelque chose d'étonnant en même temps, c'est que il y a peu de livres qui expliquent la réalité de qu'est-ce que c'est l'islam, c'est-à-dire la base et le fondement même de l'islam, c'est-à-dire le tawhid. Vous allez trouver des livres qui ont été traduits en français, ou des livres qui sont même écrits parfois en arabe sur des résumés de l'islam, l'islam expliqué, ou bien comprendre l'islam, ou des livres qui donnent une idée générale de l'islam. Et dans ces livres, vous allez voir que lorsqu'on consacre des pages pour expliquer par exemple les cinq piliers de l'islam, et bien vous allez voir que sur le tawhid et sur la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et l'unicité d'Allah, on va prendre par exemple cinq pages. Puis on va passer au deuxième pilier de l'islam, qui est la salat, et on va donner à ce sujet 25 pages. Puis on passe au jeûne et on va y donner 15 pages. Et puis on va passer par la suite à la zakat. Donc vous allez trouver que on va donner au jeûne 10 pages ou des choses de ce genre, et au hajj, comme ça, la même chose encore, une dizaine de pages. Mais à la fin, après avoir lu donc ce livre, on n'a pas vraiment encore là une bonne compréhension de l'islam. Il y a beaucoup de non-musulmans, de kuffars qui posent des questions sur l'islam. Et lorsque des musulmans commencent à leur répondre sur la réalité de l'islam, on constate que ils leur parlent de tout. Ils leur parlent de la salat, ils leur parlent du hajj, ils leur parlent de plein d'autres piliers, même des ordres et des interdictions, mais ils ne leur parlent pas du tawhid. Donc les kuffars qui entendent parler de l'islam, ils ont une idée de certains aspects de l'islam, mais le cœur de l'islam, ils ignorent qu'est-ce que ça signifie. Et donc, ça c'est un grand manque, et c'est un grand problème, et ça fait en sorte qu'on n'a pas compris qu'est-ce que c'est l'islam authentique. Donc, sans avoir compris le tawhid, on ne peut pas comprendre l'islam authentique. C'est pour ça que j'ai choisi de parler de ce sujet-là aujourd'hui, pour aider les frères et les sœurs à avoir une meilleure compréhension de la part de certains groupes islamiques, de certaines sectes, de certaines tendances. On voit qu'il y a également de grands problèmes chez eux à comprendre la réalité du tawhid. Pour certains, le tawhid, ça se limite uniquement à croire que Dieu existe. Et ils pensent que si tu crois que Dieu existe et qu'il est unique et qu'il est tout-puissant, que ça suffit. Et qu'en ayant dit ça, ça y est, t'es un muwahhid, un mu'min. Et bien entendu, ça c'est incorrect et c'est incomplet dans ta compréhension du tawhid. Si tu n'as pas fait de ton adoration quelque chose qui est uniquement réservé à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien ton tawhid il n'est pas complet, même si tu dis que Dieu est unique. Il y a des gens parmi les musulmans actuellement dans les pays musulmans, ils vont offrir à des tombes des actes d'adoration, ils font des tawafs, ils vont chercher la baraka, ils vont faire des invocations pour ceux qui sont ils vont faire des invocations à ceux qui sont enterrés dans ces tombes là pour leur demander à eux directement quelque chose, soit de leur donner la guérison ou de leur donner quelque chose dans leur dunya qu'ils ont besoin, le succès ou autre chose. Donc en plus ils sacrifient aussi des animaux pour les tombes, ainsi de suite. Tout ça c'est des exemples de shirk. Et ça, on le retrouve chez les soufis, on le retrouve chez les chiites, Rafidah. Ce sont tous des gens qui se disent musulmans, et pourtant qui pratiquent la religion du shirk, qui est une religion opposée à l'islam. C'est la religion des mouchriquins de Quraysh, et eux, ils pratiquent ça et ils se disent musulmans. Donc, il faut comprendre donc la réalité de cet islam. Il faut comprendre la réalité de cet islam. Et donc, j'ai choisi de lire cette risale avec vous. On n'en lira pas une grosse partie aujourd'hui, mais Inch'Allah, dans les cours qui vont suivre durant les autres cours de la semaine, on va essayer de trouver du temps pour compléter ça, Inch'Allah. Donc, Tawhid al-Mursalin, c'est le titre de la conférence. Tawhid al-Mursalin wa ma yudadduhu min al-shirk, min al-kufri wa al-shirk. L'unicité, le Tawhid, l'unicité d'Allah dans l'enseignement des prophètes et des messagers, pour être plus particulier, et ceux qui s'y opposent parmi le kufr et le shirk. Donc le shaykh qui a donné cette conférence, c'est le shaykh Ibn Baz, dans une conférence qu'il a donnée à Darul Hadith à Médine en l'an 1394. Donc ça c'est dans le volume 2 de Majmu' Fatawa wa Maqalat. Donc on va lire ça ensemble, Inch'Allah. شيخ الزي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين. أما بعد، فلما كان توحيد الله عز وجل والإيمان به وبرسله عليهم الصلاة والسلام أهم الواجبات وأعظم الفرائض، والعلم بذلك أشرف العلوم وأفضلها، ولما كانت الحاجة إلى هذا الأصل الأصيل داعية إلى بيانه بالتفصيل، رأيت إيضاح ذلك في هذه الكلمة الموجزة لشدة الحاجة إلى ذلك، ولأن هذا الموضوع العظيم جدير بالعناية، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لإصابة الحق في القول والعمل، وأن يعيذنا جميعا من الخطأ والزلل. فأقول ومن الله سبحانه وتعالى أستمد العون والتوفيق. لا ريب أن التوحيد هو أهم الواجبات، وهو أول فريضة، وهو أول دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهو زبدة هذه الدعوة كما بين ذلك ربنا عز وجل في كتابه المبين وهو أصدق القائلين حيث يقول سبحانه عن جميع المرسلين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Donc le cheikh il commence en demandant invoquant la louange d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes, et il mentionne ensuite, il dit wal aqibatu lil muttaqin, la bonne fin, la bonne conclusion est toujours pour ceux qui ont at-taqwa, qui ont la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la paix et le salut, et que la paix et le salut soient sur le maître des prophètes et le dernier des prophètes, c'est-à-dire notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et surtout les autres qui ont suivi sa voie, et surtout les pieux. Ensuite, il dit فَلَمَّا كَانَ التَّوْحِيدِ, donc il dit étant donné que le tawhid et la foi en le tawhid c'est une des plus importantes des obligations de l'islam. Le tawhid que les messagers ont amené, c'est la plus grande des obligations de l'islam et la plus importante des obligations de l'islam. Le fait de connaître cette science, c'est une des plus nobles et une des plus méritoires. D'avoir cette science et de comprendre cette science, c'est une des plus importantes et une des plus méritoires et une des plus nobles. Et étant donné que le besoin de comprendre cette base, qui est la base des bases, ce besoin-là est très manifeste du fait que on remarque beaucoup de choses qui montrent, qui indiquent que les musulmans en ont besoin à notre époque. Il faut clarifier donc cette base de l'islam et ce fondement de l'islam qui est le tawhid. Et on va comprendre pourquoi dans les explications qui vont suivre, inshallah, pourquoi c'est si important. Et il n'y a pas de doute que ce sujet-là, il faut s'en préoccuper. Parce qu'il est négligé, bien sûr, et parce que beaucoup de gens ont des erreurs dans sa compréhension. Donc il dit, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me donner le succès dans l'explication de ce sujet et d'arriver à atteindre la vérité dans les paroles et dans les actions, et de me protéger de toute erreur et de toute faute dans mes paroles et dans mes actions par rapport à ce sujet-là. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala l'aide et le succès. Et il commence en disant qu'il n'y a pas de doute que le tawhid, c'est la plus importante des obligations, et que c'est la première chose à laquelle tous les messagers ont invité les gens. Et c'est le cœur de la da'wah de tous les prophètes. Et Allah subhanahu wa ta'ala a expliqué ça dans son livre. Et il est le plus véridique de ceux qui disent les choses et de ceux qui parlent. Et il mentionne donc comme preuve le premier verset, c'est le verset 36 dans sourate An-Nahl, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et nous avons suscité dans chaque nation un messager pour qu'il dise « Adorez Allah et écartez-vous du tagut ». أوضح جل وعلا أنه بعث في جميع الأمم في كل أمة رسولا يقول لهم اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه دعوة الرسل، كل واحد يقول لقومه وأمته اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Donc qu'est-ce qu'il explique ici, le cheikh? Il explique que Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset qui est le verset 36 dans sourate An-Nahl, Allah subhanahu wa ta'ala clarifie qu'il a fait susciter dans chaque nation, dans chaque peuple, un messager pour qu'il leur dise « Adorez Allah et écartez-vous du ta'arut ». Ça, c'est la da'wa de tous les messagers. Chacun d'entre eux, quand il arrive à son peuple, qu'est-ce qu'il leur dit en premier? « Adorez Allah et écartez-vous du ta'arut ». Adorez Allah et écartez-vous du ta'arut. Donc, ça, c'est la première chose. Ils n'ont pas commencé par d'autres choses ou d'autres sujets. Ils n'ont fait que clarifier ce sujet-là en premier. Pourquoi? Parce que c'est le plus important. Ils auraient pu parler de d'autres choses, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont parlé uniquement du tawhid parce que c'est la base. C'est le plus important. Il dit « Wal-ma'na wahidullah li'an al-khusuma bayna al-rusul wal-umam fi tawhid al-ibadah » وإلا فالأمم تقر بأن الله ربنا وخالقنا ورازقنا وتعرف كثيرا من أسمائه وصفاته، ولكن النزاع والخصومة من عهد نوح إلى يومنا هذا في توحيد الله بالعبادة. فالرسل تقول للناس أخلصوا العبادة، أخلصوا العبادة له ووحدوه بها، واتركوا عبادة ما سواه. وأعداؤهم وخصومهم يقولون لا، بل نعبده ونعبد غيره، ما نخصه بالعبادة. هذا هو محل النزاع بين الرسل والأمم. الأمم لا تنكر عبادته بالجملة بل تعبده، ولكن النزاع هل يخص بها أم لا يخص. فالرسل بعثهم الله لتخصيص الرب بالعبادة وتوحيده بها دون كل ما سواه، لكونه عز وجل المالك القادر على كل شيء، الخلاق الرزاق للعباد، العليم بأحوالهم إلى غير ذلك. فلهذا دعت الرسل عليهم الصلاة والسلام جميع الأمم إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى وترك عبادة ما سواه. Donc le Cheikh il explique, il dit la signification de ça, quand il dit أعبد الله واجتنب الطاغوت, quand les messagers disent adorez Allah et écartez-vous du طاغوت, ça signifie أعبد الله, ça signifie unifiez Allah dans votre adoration. Parce que le conflit qui existait entre les messagers et leur peuple était spécifiquement dans Tawhid al-Ibada, c'est-à-dire dans l'adoration. Sinon, la majorité des peuples, ils acceptent l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala comme étant leur Seigneur, comme étant leur Créateur, comme étant celui qui leur donne leur subsistance. Et ils reconnaissent beaucoup des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est pour expliquer en fait l'erreur que certains font parmi les musulmans parfois, qui prétendent vouloir appeler à l'islam ou faire la da'wah, puis qui se concentrent uniquement sur Tawhid al-Rububiyyah, c'est-à-dire le fait de croire ou d'appeler les hommes à croire au fait que Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui le maître, c'est lui celui qui contrôle tout, c'est lui qui a tout créé, c'est lui c'est lui qui fait vivre et qui fait mourir, c'est lui qui gère tout ce qui se produit dans l'univers et qui contrôle toutes choses et qui donne la subsistance à chaque créature. Vous allez voir certains d'entre ces individus ou de ces personnes qui appellent à l'islam, ils se concentrent uniquement sur ce point-là et ils vont mentionner plein des merveilles parmi des merveilles d'Allah subhanahu wa ta'ala et des grandes choses que Allah subhanahu wa ta'ala fait dans cet univers, et pour également nous montrer notre faiblesse et notre incapacité devant Allah subhanahu wa ta'ala et notre besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils vont faire des grands discours, des longs discours pour essayer de parler aux musulmans et aux non-musulmans de cette réalité qui est le Tawhid al-Rububiyyah. Toutefois, comme le Cheikh l'explique, il dit le conflit qui existait entre les messagers et leur peuple, c'était pas sur ce sujet-là. La majorité d'entre eux, ils acceptaient déjà ces aspects-là et ces faits-là. Depuis l'époque de Nuh jusqu'à notre époque, le Cheikh dit le problème c'est toujours dans Tawhid al-Ibada, le Tawhid dans l'adoration. Donc les messagers, qu'est-ce qu'ils disaient aux gens? Ils disaient faites de votre adoration quelque chose qui est purement pour Dieu seul et pour Allah seul. N'offrez rien de votre adoration à autre que à Allah subhanahu wa ta'ala, et unifiez Allah subhanahu wa ta'ala dans votre adoration. Abandonnez l'adoration d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis que les ennemis des messagers les ennemis des messagers et les ennemis des prophètes, eux, ils disent abandonner, c'est-à-dire adorer d'autres avec Allah, et continuer à adorer Allah, mais adorer d'autres avec lui. Et ils disaient, on ne va pas cesser d'adorer d'autres que Allah, on va adorer Allah, et on va adorer d'autres avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'était ça le conflit qui existait. Donc les messagers, ils se sont concentrés pour dire aux hommes, purifiez votre adoration et faites que votre adoration soit uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala, hein, et abandonnez ce que vous adorez en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, abandonnez les idoles, abandonnez les statues, abandonnez les prophètes, abandonnez l'adoration des prophètes, c'est-à-dire abandonnez l'adoration des saints, abandonnez l'adoration des hommes pieux. Cessez de les prendre comme des intercesseurs et des intermédiaires entre vous et Allah dans vos du'as, dans vos invocations. Cessez d'adorer les djinns, cessez d'adorer les tombes, ainsi de suite. Hein? Donc c'est pas logique. C'est pas logique qu'aujourd'hui, par exemple, des gens soient en train de parler aux musulmans ou à des non-musulmans de l'islam et de leur dire il faut croire en un Dieu unique, il faut croire que Dieu existe. Et puis, juste à côté d'eux, il y a des musulmans qui sont en train d'adorer une tombe et de prier à des saints et à des morts. Et puis, eux, ils regardent ça et ils disent rien contre ces choses-là. Et ils dénoncent pas ces choses-là. Et c'est pas non plus logique que vous voyez des gens qui font des discours sur la politique ou sur l'économie et qui parlent de faire des manifestations pour la Palestine ou pour d'autres choses. Alors que juste à côté, ils sont en train d'adorer des tombes. Hein? À chaque année, ils vont adorer par millions des tombes et des morts. Mais pourquoi déjà, on sait que les manifestations, c'est pas correct. C'est contraire à l'islam. Mais s'ils devaient faire une manifestation pour quelque chose, ce serait bien pour faire stopper ces actes d'idolâtrie. Et pour manifester contre le shirk qui se produit chaque année là-bas. Et manifester également contre les tombes qui sont, et les tombeaux qui sont construits par-dessus ces tombes. Et ces mosquées qui sont construites par-dessus ces tombes. Hein? S'ils avaient vraiment compris l'islam, c'est ces choses-là qu'ils dénonceraient en premier. Avant de dénoncer tous les trucs de politique et d'économie et d'autres choses qui se passent dans la Ummah. Mais étant donné qu'ils ont mal compris l'islam, étant donné qu'ils ont mal compris la réalité du tawhid, vous les voyez jamais dénoncer le shirk, jamais dénoncer l'adoration des tombes et des morts. Ils vont seulement faire des manifestations pour la Palestine ou pour d'autres sujets, ou pour d'autres causes. Mais le plus important, le shirk, qui est fait dans les pays musulmans, la contradiction du tawhid, ça, ils en parlent jamais. Ou presque pas. S'ils en parlent, c'est juste en passant comme ça, bon, on va en parler quelques minutes, ils en parlent 5 minutes, après ils en parlent plus jamais. Ou bien ils vont écrire un livre de 500 pages, ils vont en parler pendant un petit paragraphe, et après le reste du livre, ils en parlent plus. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour eux, de parler, de dénoncer les injustices qui se passent en Palestine, c'est plus important que d'expliquer le danger du shirk qui est en train de se produire dans les pays musulmans. Hein? Donc ça, c'est des exemples de da'wa qui sont contraires à la da'wa des prophètes. Parce que les prophètes, ils ont commencé à combattre le shirk en premier. Et après, ils ont réparé les autres problèmes de la société. Mais pas avant d'avoir enrayé complètement le shirk. Hein? Donc le cheikh, il explique, cheikh Ibn Baz rahimahullah, il dit c'est ça le point de discorde et de désaccord et de problème qu'il y avait entre les messagers et leur peuple. À chaque fois ils avaient un problème sur le tawhid dans l'adoration, pas le tawhid dans Ar-Rububiyya, le tawhid que tu dis, oui, Dieu c'est le créateur, c'est le maître, c'est celui qui fait vivre et qui fait mourir et qui contrôle tout. Ça, tous les peuples étaient d'accord avec ça. Tous les peuples acceptaient ça en général. Sauf que, malgré ça, ils adoraient d'autres. Donc si les gens qui font la da'wa aujourd'hui, quand ils disent aux gens, regardez Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a tout créé, c'est lui le maître de toutes choses. Ou quand les autres, ils expliquent leur notion de l'islam. Si ils expliquaient, puisque vous croyez que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le seul créateur, c'est le seul maître, c'est le seul pourvoyeur, c'est le seul qui fait vivre et qui fait mourir, et c'est le seul qui a tout créé, puisque vous croyez en tout ça, Et si vous croyez réellement en ça, alors adorez que lui, adorez pas d'autres avec lui. Cessez de prendre d'autres comme des idoles et des objets d'adoration, adorez que Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est ce que signifie la ilaha illallah. Il n'y a rien qui mérite d'être adoré excepté Allah. Hein? Ça ne signifie pas seulement de dire il n'est de Dieu que Dieu. Hein? Il n'est de Dieu que Dieu, comme certains le disent. Quand ils traduisent la ilaha illallah, ils disent il n'est de Dieu que Dieu. Ce n'est pas ça ce que ça signifie la ilaha illallah. La ilaha illallah, ça signifie pas il n'est de Dieu que Dieu. Parce que tous les mushrikines, même ils peuvent dire il n'est de Dieu que Dieu, ça c'est pas un problème pour eux. Mais si tu leur dis rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, là c'est un problème. Parce qu'ils veulent pas abandonner qu'est-ce qu'ils adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça le point de conflit qui existait, hein, et les disputes qui existaient entre les messagers et leur peuple. Donc le shaykh dit les peuples, il ne niait pas non plus entièrement l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas qu'il disait on veut pas du tout adorer Allah subhanahu wa ta'ala, même si certains aujourd'hui parmi les athées ils vont dire non, on n'adore pas du tout, hein. Mais malgré tout la majorité des peuples ils reconnaissent certains aspects de l'adoration. Mais le problème c'est qu'ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils ne font pas que leur adoration soit exclusive à lui. Et ils ne rendent pas leur adoration uniquement pour lui. Donc c'est là le conflit par rapport à ces peuples. C'est pas est-ce que Dieu existe ou non. C'est pas est-ce que Dieu est unique ou non. C'est pas est-ce qu'on adore Allah ou non. C'est est-ce qu'on adore Allah exclusivement ou non. Est-ce qu'on voue notre adoration uniquement à Allah ou non? C'est ça le point. C'est ça le conflit. Donc le cheikh explique, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a fait susciter les messagers, hein, dans chacun des peuples, il a fait susciter les messagers pour leur dire de rendre leur adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour le Seigneur, exclusive. Que c'est lui seul qu'ils doivent adorer, qu'ils doivent l'unifier dans leur adoration, unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans leur adoration, hein, en dehors de toute autre chose qui peut être adorée en dehors de lui, tu le laisses, tu l'abandonnes, tu adores que Allah subhanahu wa ta'ala lui seul, tu purifies ton adoration pour lui seul. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui le maître, c'est lui qui possède tout, c'est lui le tout puissant, il a le pouvoir sur toute chose, c'est lui le créateur, c'est lui le grand pourvoyeur qui donne la subsistance à ses serviteurs. C'est lui l'omniscient qui sait toutes choses et qui connaît l'état de ses serviteurs, ainsi que toutes les autres attributs et tous les autres noms qu'il possède. On les connaît donc. Ça, c'est pour faire comprendre aux gens que celui qui possède ces attributs-là, c'est lui seul qui mérite d'être adoré. Et tout ce que les hommes peuvent adorer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est faux. Hein? Falihada, donc c'est pour ça que les messagers, tous les messagers, ils ont tous appelé leur peuple à ça, c'est-à-dire au tawhid d'Allah. Et quand on dit le tawhid d'Allah, c'est l'unification d'Allah dans son adoration, hein, wa ikhlasul ibadatillah, et de purifier notre adoration pour lui et d'abandonner l'adoration d'autres que lui. Et c'est ça ce que signifie le verset qu'on a mentionné au tout début dans sourate An-Nahl, an i'budullaha wajtanibut taghut. Adorez Allah et écartez-vous du ta'arut. Ta'arut, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le sheikh, il dit ensuite, قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذا المعنى العبادة هي التوحيد وهكذا قال جميع العلماء إن العبادة هي التوحيد إذ هو المقصود والأمم الكافرة تعبد الله وتعبد معه سواه كما قال جل وعلا وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين فتبرأ من معبوداتهم كلها من معبوداتهم كلها إلا فاطره أي خالقه فعلم أنهم يعبدونه ويعبدون معه غيره. Donc le cheikh explique, il dit que Ibn Abbas radiallahu anhu radiyallahu anhuma, quand il a expliqué la signification de ce verset, an ya'budu Allah wa ijtanibu at-taghut, il a dit que l'adoration c'est le tawhid en fait. Quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran u'budu Allah ou bien fa'buduhu, ça veut dire fawahiduhu. Ça veut dire en fait le tawhid dans le sens que Allah subhanahu wa ta'ala quand il dit de l'adorer, c'est-à-dire de l'adorer lui seul et de l'adorer lui exclusivement, ça ne veut pas seulement dire de l'adorer, ça veut dire de l'adorer, mais de l'adorer lui seulement, rien d'autre que lui, hein. Donc toutes les formes d'adoration qui existent, elles ne doivent être vouées que à Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur de toutes choses. Donc toutes les peuples qui ont mécru, les peuples qui sont dans le kufr, dans le shirk, ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le problème c'est que ils adorent d'autres avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ils adorent d'autres en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il le mentionne dans sourate Az-Zukhruf, le verset 26 et 27. Dans l'exemple, il dit: "Wa idh qala Ibrahim li abihi wa qawmihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin." Ça veut dire quoi? On sait que Ibrahim, il est venu parmi les peuples qui vivaient en Irak, hein, à l'époque, qui étaient des peuples de mushrikin, qui adoraient les étoiles et qui adoraient les statues. Ils faisaient des représentations, hein, des idoles. Et ils les adoraient en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ils adoraient également Allah subhanahu wa ta'ala. Il y en a qui pensent que les mushrikoun, ils adorent que les idoles et qu'ils ne connaissent pas Allah subhanahu wa ta'ala du tout. Et ça, c'est faux. Et c'est une mauvaise connaissance, une mauvaise compréhension qu'ils ont. Les mushrikoun, ils connaissent Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur de l'univers, le maître de toutes choses. Mais, en même temps, ils adorent des idoles, comme des intercesseurs et des intermédiaires entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Donc, ici dans ce verset, le cheikh explique la preuve qu'ils adoraient Allah et qu'ils adoraient d'autres avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est dans la parole de Ibrahim. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset: et lorsque Ibrahim a dit à son père et à son peuple, je me désavoue de ce que vous adorez. Donc je me désavoue de tout ce que vous adorez. Tout ce que les mushrikoun adorent, je m'en désavoue. Vous avez dit, j'ai rien à faire avec ces choses-là que vous adorez. Je les rejette. Je les dénonce, je les rejette, je les accepte pas. Je veux pas rien savoir de ces choses-là que vous adorez. Sauf qu'il a rajouté quelque chose après. Il a rajouté, excepté celui qui m'a créé. Parce que c'est lui qui va me guider. Donc ça veut dire qu'il se désavoue de tout ce que les mushrikins adorent. Excepté de Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'ils adoraient Allah également. Donc il leur dit, tout ce que vous adorez, je le rejette. Excepté le créateur. Excepté celui qui m'a créé. Parce que c'est lui qui va me guider. Donc c'est pour dire, il s'est désavoué de toutes leurs idoles, de tout ce qu'ils adoraient en dehors d'Allah, excepté de son créateur, hein, de son fatir, c'est-à-dire le créateur. Hein. Donc on sait par là que les mushrikoun adoraient Allah également. Ils adoraient et Allah, mais ils adoraient d'autres avec lui. Et c'est ça leur problème. Et c'était ça le conflit. فَلِذَلِكَ تَبَرَّأَ الْخَلِيلُ مِنْ مَعْبُودَاتِهِمْ سوى خالقه وفاطره عز وجل وهو الله سبحانه وتعالى. Donc il s'est désavoué, comme on a dit, de tout ce qui était en dehors de son créateur. Et aujourd'hui vous avez des groupes et des gens parmi les musulmans qui appellent les musulmans à adorer d'autres avec Allah subhanahu wa ta'ala et qui insistent pour que les musulmans fassent le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils invoquent les prophètes et qu'ils invoquent les awliya et les salihin, et ils déclarent que ceux qui refusent de les invoquer en dehors d'Allah et qui refusent de les adorer en dehors d'Allah sont des kuffars. Il y a des groupes parmi les musulmans aujourd'hui qui disent que ceux qui refusent d'adorer d'autres avec Allah sont des kuffars, et ils déclarent les musulmans qui appellent au tawhid et qui rejettent l'adoration d'autres que Allah, ils les déclarent des kuffars. Hein, comme par exemple des Ahbash ou d'autres sectes également, hein, de ces catégories là si tu rejettes le shirk et tu dénonces le fait que des gens adorent des hommes pieux et des tombes et des morts, eux ils vont se mettre contre toi et ils vont se mettre en ennemi contre toi et ils vont te considérer comme un ennemi de l'islam parce que tu appelles au tawhid et parce que tu dénonces le shirk. Donc vous voyez comment les gens peuvent avoir une compréhension grave complètement opposée à la signification réelle de l'islam. Et c'est pour ça qu'il est important d'appeler au tawhid et de faire comprendre ça aux musulmans. Hein? Donc le cheikh il dit ensuite وَهَكَذَا قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلْ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي فَعُلِمَ أَنَّهُمْ يَعْبُدُونَ اللَّهَ وَيَعْبُدُونَ مَعَهُ غَيْرَهُ والآيات في هذا المعنى كثيرة فعلمنا بذلك أن المقصود من دعوة الرسل تخصيص الله بالعبادة وإفراده بها لا يدعى إلا هو جل وعلا ولا يستغاث إلا به ولا ينظر إلا له ولا يذبح إلا له ولا يصلى إلا له وإلى ذلك من العبادات إلى غير ذلك من العبادات فهو المستحق لها جل وعلا دون كل ما سواه وهذا هو معنى لا إله إلا الله فإن معناها لا معبود بحق إلا الله. Donc le cheikh il dit, il mentionne d'autres exemples, il dit, et c'est ainsi qu'il a dit également Ibrahim dans surat, si je me trompe pas, c'est dans surat Maryam, le verset 48. Il dit, et je m'écarte de vous et de ce que vous adorez en dehors d'Allah et j'invoque mon Seigneur. Donc on peut comprendre également dans ce verset là que les mushrikoun adoraient Allah subhanahu wa ta'ala, hein? Et c'est pour ça qu'il a spécifié qu'il invoque son Seigneur après avoir dit qu'il s'écarte de ce qu'ils invoquent en dehors d'Allah. Il a dit par la suite, et j'invoque mon Seigneur. Donc c'est pour dire que il se désavoue et il s'éloigne, il s'écarte de ce que les mouchikoun adorent, mais il ne s'écarte pas d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et il ne rejette pas l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on peut comprendre par là que le but et l'objectif de la da'wah des messagers, c'est d'appeler à ce que l'adoration soit restreinte à Allah seul et uniquement pour Allah, et qu'elle soit exclusive à Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'on ne fait de da'wah, on ne fait de dua que à Allah. Si on a quelque chose à demander ou si on veut invoquer, on invoque que Allah subhanahu wa ta'ala, personne d'autre que Allah, personne d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que ça c'est mal? Est-ce que quand on appelle à ça, les gens de bid'a et les gens de shirk viennent, ils nous disent, ah mais non, pourquoi tu dis qu'on doit juste invoquer Allah? Non, on veut invoquer aussi les saints. Non, on veut aussi invoquer les prophètes. A'udhu billah. A'udhu billah. Est-ce que quand on parle d'invoquer Allah seul, vous vous mettez en colère? Et quand on parle d'invoquer d'autres avec lui, vous vous réjouissez? Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, il dit ça. Hein? وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Lorsque on mentionne Allah subhanahu wa ta'ala lui seul, le cœur des gens qui ne croient pas en l'au-delà se remplissent de dédain. Mais quand on mentionne d'autres avec lui, les voilà qui se réjouissent. Il y en a parmi les gens aujourd'hui qui se disent musulmans et ils rentrent dans cette description-là. Si tu mentionnes Allah seul, ils te disent que tu es kafir. Et si tu mentionnes d'autres avec Allah et que tu invoques d'autres avec Allah, ah, ils disent, ah, lui c'est un musulman. Ça c'est le monde à l'envers. Hein? Allah al-musta'an. Donc le cheikh il dit, quand tu invoques que Allah, quand tu fais l'appel au secours dans les moments de détresse, tu n'appelles que Allah. Quand tu veux faire un vœu, hein, un vœu pieux ou quelque chose de ce genre, un serment, tu n'évoques que Allah et tu ne le fais que pour Allah subhanahu wa ta'ala, hein? Et tu n'égorges ou tu ne sacrifies d'animaux que pour Allah subhanahu wa ta'ala, et tu ne fais de salat que à Allah subhanahu wa ta'ala, et ainsi de suite pour toutes les formes d'adoration, parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala le seul qui mérite les formes d'adoration. Toutes les formes d'adoration doivent être uniquement pour lui et c'est lui seul qui les mérite, en dehors de toute autre chose, en dehors de toute autre créature. C'est ça la signification de la ilaha illallah, c'est-à-dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? La ma'bouda bihaqqin illallah. Donc L'islam, c'est la religion qui appelle les hommes à adorer directement le Créateur sans aucun intermédiaire, sans prendre d'intermédiaire et d'intercesseur entre le Créateur et la créature. C'est une adoration directe. Hein? C'est une adoration qui est directe. On ne passe pas par un homme, on ne passe pas par un saint, on ne passe pas par un arbre, on ne passe pas par un prophète, on ne passe pas par un ange, on ne passe pas par un djinn, on ne passe pas par une roche, ou par une pierre, ou par une tombe, ou par peu importe quelle autre chose parmi les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. On n'adore que Allah directement. Et c'est ça le message fondamental de l'islam. Et c'est ça que l'islam est venu enseigner à l'humanité. Et toutes les autres religions, elles enseignent le contraire du tawhid. Elles enseignent d'adorer Allah à travers la création. Et ils appellent donc au shirk. Même ceux qui disent, même les religions qui prétendent aujourd'hui qu'elles adorent un Dieu unique ou qu'elles croient en un Dieu unique, ils passent par des créatures pour adorer Allah. Ils passent par des intermédiaires pour adorer Allah. Et ils disent aux hommes, si tu passes pas par un homme pour aller à Dieu, ton adoration ne sera pas valable. Comme les chrétiens, par exemple, quand ils prient ou quand ils adorent, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, si tu passes pas par Jésus, ton adoration ne va pas être valable. C'est ça ce qu'ils disent. Hein? Alors que l'islam dit non. Si tu passes par autre que Allah, et si tu passes pas directement vers Allah dans ton adoration ne sera pas valable. C'est le contraire de la da'wah de toutes les autres fausses religions, toutes les religions de shirk. Et même parmi les égarés, parmi les gens qui se disent musulmans aujourd'hui, ils font la même chose que les juifs et les chrétiens. Ils disent, il faut passer par les hommes pieux. Il faut passer par les tombes. Il faut passer par les saints. Si tu passes pas par les tombes et par les saints, t'es pas un musulman. T'es un kafir. T'es un mushrik. Imaginez. Ils renversent la signification de la religion à l'envers. Hein? Alors que l'islam est venu avec le tawhid pur. L'adoration d'Allah pure. Hein? Et c'est ça qui fait la force de l'islam. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, comme dans le passé, rien n'a pu arrêter l'islam. Et pourquoi les koufad, hein, ils font des efforts pour justement étudier qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se passe dans les pays musulmans maintenant? Ils envoient des spécialistes, des ethnologues, des archéologues pour essayer de déterrer toutes les anciennes formes de shirk qui se pratiquaient dans les différents pays musulmans avant l'islam pour renforcer le shirk dans les pays musulmans. Et ils étudient qu'est-ce qui se passe chez les gens qui pratiquent du shirk dans les pays musulmans maintenant, parmi les différents groupes, les différentes sectes, hein, pour les inciter à comprendre justement comment les musulmans pratiquent, certains musulmans qui se disent, des gens qui se disent musulmans dans les pays musulmans, adorent des tombes, adorent des saints, et essayer d'utiliser cette même logique pour les amener à détourner leur adoration vers Jésus ou vers Marie ou vers d'autres saints. Hein, et puis leur dire par la suite, bien écoutez, qu'est-ce que vous faites? C'est la même chose que nous. Vous pouvez rajouter d'autres parmi ceux que vous adorez. Si vous adorez le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, hein, vous l'invoquez, ben vous pouvez rajouter le prophète Isa. Si vous adorez Fatima, hein, comme les chiites en Iran qui adorent Fatima, radiyallahu anha, et ben vous pouvez rajouter, hein, yani Marie, Mariam, hein? Donc c'est pour dire comment ils utilisent cette logique que les musulmans sont en train de pratiquer du shirk pour incorporer à l'intérieur de leurs pratiques et de leurs croyances des croyances chrétiennes, parce qu'à l'origine c'est le même shirk, hein? Et donc c'est pour ça que c'est important. Maintenant il y a des groupes parmi les musulmans qui appellent à un rapprochement entre les religions, un rapprochement entre les croyances. Avec qui est-ce qu'ils se rapprochent? Avec qui est-ce qu'ils font leur dialogue? En majorité du temps, quand ils invitent des musulmans, ce sont les soufis qui vont répondre à leur appel. En grande majorité du temps, ce sont les gens qui font partie des sectes soufis. Parce que dans leurs croyances, ils ont les mêmes croyances que les chrétiens. Dans leur aqidah, ils ont la même aqidah que les chrétiens et que les juifs. Et c'est pour ça qu'ils peuvent se rapprocher avec eux et faire des dialogues avec eux, puisqu'ils sont sur la même croyance, la même pratique religieuse. Hein? Il y en a qui, parmi les musulmans, ils se disent musulmans, ils croient en wahdatul wujud. Ils croient que tout ce qui existe, c'est Allah. Il n'y a pas de différence entre créateur et créature. Le tout c'est une seule chose. Il n'y a que Allah qui existe. Et toutes les créatures n'existent pas réellement. Hein? C'est une illusion ou des choses de ce genre. Et donc il dit, si tu adores les idoles, c'est pas grave tant que tu dis que c'est Allah. C'est la même chose que les hindous en Inde. C'est la même logique qu'ils utilisent. Ils disent aux gens, on n'adore pas cette image de statue, cette forme. C'est pas ça qu'on adore. On adore Dieu qui est à l'intérieur de cette statue-là. On adore Dieu qui est présent dans tout être, dans toute chose. Hein? Ils disent, Dieu c'est comme une énergie, une force qui est à l'intérieur des créatures et on adore ça. À travers la créature, on adore le créateur. C'est comme ça que le shirk est rentré dans la mentalité de ces gens-là. C'est cette shubha que le shaitan a mis dans leur cœur qui les a fait tomber dans le shirk. Maintenant, cette shubha, elle est rentrée également chez plusieurs d'entre les musulmans. Et c'est pour ça que vous allez trouver dans certains pays musulmans, des gens qui ont des grosses tombes, des grosses mosquées construites sur les tombes. Ils vont là-bas par milliers faire des pèlerinages. Ils espèrent que ces saints vont les guérir, vont leur donner la guérison, vont les sauver. Hein? Et ils laissent Allah subhanahu wa ta'ala de côté. Hein? Donc ça c'est l'exemple du malheur dans lequel se trouve une grande portion de la Ummah qui ignore la réalité du Tawhid et de l'Islam. Et quand tu appelles à ça et que tu expliques aux musulmans que c'est Allah seul qu'il faut adorer, il ne faut rien adorer en dehors de lui, ah, t'es un wahhabi, ça c'est la grande menace. Hein? C'est comme quand on veut faire peur aux enfants pour les endormir, quand ils veulent pas dormir. Hein? Ici on dit le bonhomme 7 heures, ou les koufars ici c'est ce qu'ils disent, le bonhomme 7 heures. Hein? Ou bien le croque-mitaine, il va venir te manger. Bon, et la même chose, ils utilisent le terme wahhabi de la même façon. Attention le wahhabi, c'est quoi le wahhabi? Qu'est-ce qu'il fait qui est pas correct? Parce qu'il dit aux gens qu'il faut adorer Allah seul, c'est ça le danger, c'est ça le problème. Il dit que qu'est-ce que vous adorez en dehors d'Allah, c'est faux. Ça, c'est le problème des wahhabis. Il dit que vous devez adorer Allah exactement selon l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et que vous ne devez pas ajouter des innovations dans la religion. C'est ça le danger de la wahhabia que vous appelez wahhabia. Hein? Alors, si c'est ça le problème, alors c'est vous qui avez un problème. Parce que le tawhid, c'est l'islam et c'est la religion des messagers et des prophètes. Donc si vous avez un problème avec ça, vous avez un problème avec la da'wa des messagers et des prophètes. Hein? Donc qu'est-ce qu'il dit ensuite? Le cheikh il dit, « هَذَا هُوَ مَعْنَاهَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ لِأَنَّ الْآلِهَا مَوْجُودَةٌ بِكَثْرَ وَالْمُشْرِكُونَ مِنْ قَدِيمِ الزَّمَانِ مِنْ عَهْدِ نُوحٍ يَعْبُدُونَ آلِهَةً مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْهَا وَدْ وَسُوَاعُ وَيَغُوثُ وَيَعُوقَ وَنَصْرُ وَغَيْرِ ذَلِكَ كل هكذا العرب عندها آلهة كثيرة وهكذا الفرس والروم وغيرهم كلهم عندهم آلهة يعبدونها مع الله فعلم بذلك أن المقصود بقول لا إله إلا الله هو المقصود بدعوة الرسل وهو أن يوحد الله ويخص بالعبادة دون كل ما سواه جل وعلا ولهذا يقول سبحانه في كتابه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل فاتضح بذلك أن المقصود تخصيصه بالعبادة دون كل ما سواه وأنه سبحانه المعبود الحق جل وعلا وأن ما عبد من دونه معبود باطل ولهذا قال سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت أي وحدوا الله واجتنبوا الطاغوت أي اتركوا عبادة الطاغوت وابتعدوا عنها والطاغوت كل ما عبد من دون الله من الإنس والجن والملائكة وغير ذلك من الجمادات وما لم يكن يعني يكره hein? ما لم يكن يكره ذلك ولا يرضى والطاغوت اي نعم ما لم يكن يكره ذلك ولا يرضى. Ok, donc le cheikh explique ici, ils disent donc ça c'est la signification hein, qu'on a expliqué par rapport à qu'est-ce que yani, on a expliqué de la signification de la ilaha illallah chez les hommes de science. Quand ils expliquent cette signification, ils disent que la ilaha illallah, ça signifie rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. C'est pas suffisant que tu dises oui, Dieu est unique. Il y a un seul Dieu. Hein? Il n'y a pas plusieurs divinités. Il y a un seul. Hein? Il n'y a pas plusieurs dieux qui existent, plusieurs créateurs, plusieurs maîtres de l'univers, plusieurs pourvoyeurs, hein? Plusieurs omniscients, hein? Plusieurs omnipotents. Hein? Il y en a juste un. Tu dis ça, c'est pas suffisant. Il faut que tu dises qu'il n'y a rien qui mérite d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, parce que les choses que les gens adorent, les choses qui sont adorées par les hommes sont nombreuses. Les mushrikoun, depuis les temps très anciens, depuis même l'époque de Nuh, hein, la première époque où le shirk est apparu, ils avaient plusieurs divinités qu'ils adoraient en dehors d'Allah. Ils adoraient Wad et Suwa' et Yaghouth et Ya'uq et Nasr et d'autres également parmi les divinités et les idoles et les choses qu'ils avaient adorées en dehors d'Allah. Donc ils ont beaucoup de aliha. Ils ont beaucoup de aliha. Mais il faut comprendre, qu'est-ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que quand on dit la ilaha illallah, ça veut dire que parmi toutes ces aliha, il n'y en a aucune qui mérite l'adoration excepté Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce que signifie la ilaha illallah. La ilaha, le mot ilah, ça veut dire en arabe al-ma'aboud. Ça veut dire ce qui est adoré. Hein? Et donc quand tu dis il y a pas, il y a la ilaha, quand tu dis la ilaha, ça veut dire il n'y a rien qui est adoré, il n'y a rien qui doit être adoré. Illallah, excepté Allah. Il n'y a rien qui mérite d'être adoré excepté Allah. Pourquoi on rajoute qui mérite? On rajoute, il n'y a rien qui mérite d'être adoré sauf Allah, parce que c'est ça, c'est sous-entendu dans la signification par rapport à ce qu'on lit dans les autres versets qui expliquent le tawhid. C'est-à-dire, il n'y a rien qui mérite d'être adoré excepté Allah. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont adorées en dehors d'Allah. Donc si tu disais, il n'y a rien qui est adoré excepté Allah, ce serait faux de le dire. Ce serait contraire à la réalité. Si tu dis rien n'est adoré excepté Allah, c'est contraire à la réalité de ce qui se passe dans le monde. La réalité, c'est quoi? C'est que beaucoup de choses sont adorées en dehors d'Allah. Donc la signification de la ilaha illallah, c'est pas de dire rien n'est adoré excepté Allah. La signification de la ilaha illallah, c'est de dire rien parmi ce qui est adoré par les hommes ne mérite d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que Allah c'est le créateur, parce que Allah c'est le pourvoyeur, parce que Allah c'est l'omniscient, parce que Allah c'est le tout-puissant, parce que Allah c'est le créateur, parce que, hein, ainsi de suite. C'est le seul qui mérite d'être adoré. Tandis que ce que vous adorez en dehors d'Allah, ce sont des créatures faibles qui n'ont aucun pouvoir pour elles-mêmes ni pour les autres. Et donc à l'époque de Nuh, les gens adoraient Wad et Suwa' et Yaghouth et Ya'uq et Nasr. Tout ça c'est des ilahs. Hein? C'est des ilahs. Donc on peut pas dire la ilah comme s'il y en avait pas. Il y en a, la preuve, il y en a 5 maintenant à l'époque de Nuh. Et chez les Arabes, il y en a encore. À l'époque des Arabes, il y en avait beaucoup d'idoles que les gens adoraient. À l'époque des mouchriquines de Quraysh et avant et après. Hein? Et en Perse, la même chose. Les Perses, ils avaient des milliers d'idoles. Les Romains, ils avaient plein de dieux qu'ils adoraient en dehors d'Allah. Hein? Avant le christianisme et après le christianisme aussi. Hein? Les Romains, avant d'être chrétiens, avant d'accepter le christianisme, ils adoraient plein d'idoles. Jupiter, Saturne, hein, et d'autres. Les Grecs, la même chose. Les Hindous, la même chose. Hein? Les Hindous, il faut même pas calculer, ils en ont des milliers et des milliers. Hein? Et la même chose pour les chrétiens par la suite. Ils ont remplacé les dieux grecs et les dieux romains par des saints de l'Église catholique. Hein? Et ils ont mis leur pape à Rome pour remplacer l'empereur de Rome. Hein? Donc c'est tout ça, c'est des exemples de shirk, hein, qui se sont multipliés. Et à l'époque moderne, ils ont remplacé le shirk du christianisme par le shirk du matérialisme. Hein? Donc tout ça, c'est des formes de shirk que les gens adorent d'autres en dehors d'Allah. Aujourd'hui, ils donnent des attributs divins à la matière. Hein? Ils donnent à la matière une volonté, ils donnent à la matière une force, ils donnent à la matière une sagesse, ils donnent à la matière une vue, une ouïe. Ils s'imaginent que tout ça se fait par hasard, que tout ça se fait tout seul, que ça se contrôle tout seul avec intelligence, avec sagesse, avec, hein, avec un ordre, comme si la matière était divine, éternelle. Elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin. Ça, c'est, tout ça, c'est du shirk. C'est de donner à la créature des attributs du créateur. Ça rentre dans le shirk. Hein? Tu donnes à la matière l'attribut de ne pas avoir de début ni de fin. Ils disent la matière, elle ne se crée pas, elle ne se détruit pas. Elle ne fait que se transformer. Elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin. Elle fait juste se transformer. Elle devient de l'énergie ou de la matière. Hein? Rien ne se perd, rien ne se crée, comme ils disent. Ou bien la théorie de Einstein de la relativité, ainsi de suite. Donc tout ça, c'est des notions de shirk. Hein? Donc, bien entendu, les gens qui ne connaissent pas bien le tawhid, ils s'imaginent qu'ils ne comprennent pas comment ça peut être du shirk, mais après avoir étudié comme il faut leur tawhid, inshallah, ils vont comprendre la signification. Pourquoi on dit ça? Donc, il y a tous ces peuples-là, et en Afrique, on n'a pas besoin de mentionner. Hein? Les peuples en Afrique qui pratiquent le shirk sont très nombreux, et qu'est-ce qu'ils adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ils adorent les djinns, hein? Ils adorent les idoles, ils adorent les statues, ils adorent, hein, ils adorent les djinns, ils pensent que peut-être que c'est les ancêtres qu'ils avaient, que ce sont des ancêtres qui viennent les visiter ou des trucs comme ça. Hein? Ou bien en Haïti, par exemple, les gens qui adorent les lois, ce qu'ils appellent les lois, c'est les djinns en réalité qu'ils adorent. Ils les appellent des lois. Ils pensent que ce sont, hein, des êtres invisibles qui viennent les aider, des esprits ou quoi. Ce sont des djinns, ce sont des shayatins. Ils les adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout ça, c'est des exemples de shirk. Tout ça, ça rentre dans le shirk. Hein? Et donc, quand tu dis la ilaha illallah, ça veut dire toutes ces choses-là que les hommes adorent en dehors d'Allah, il n'y en a aucune d'entre elles qui mérite d'être adorée, excepté Allah, le créateur de l'univers, le maître de toutes choses. Donc quand tu dis la ilaha illallah, c'est ça l'objectif. L'objectif de tous les messagers, c'est ça. C'est d'appeler les hommes à unifier Allah dans l'adoration. De rendre l'adoration exclusive pour Allah seul. De rejeter tout ce qui est adoré en dehors de lui. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit justement dans le verset 62 dans sourate Al-Hajj, il dit, ça c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui est la vérité, et tout ce que vous invoquez en dehors de lui, c'est le faux. Tout ce que vous adorez en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le faux, c'est le mensonge. Hein? Donc ça veut dire, le cheikh il dit, on voit que ça clarifie l'objectif, que c'est ça l'objectif, que c'est ça le but. De rendre l'adoration exclusive à Allah subhanahu wa ta'ala et de rejeter tout ce qui est adoré en dehors de lui. De faire comprendre aux gens que Al-Ma'boudul Haqq, Al-Ilahul Haqq, c'est Allah seul. Et tout ce qui est adoré en dehors d'Allah n'est que mensonge, n'est que fausseté. D'accord? Tout ce que les chrétiens adorent en dehors d'Allah, les juifs adorent en dehors d'Allah, les bouddhistes, les hindous, les krishnas, Et peu importe la religion, même s'ils se disent musulmans, ils adorent les tombes et les saints, tout ce qu'ils adorent en dehors d'Allah, c'est le batil. Hein, parmi les soufiyines et les autres, et les shi'araf, qui adorent les Ahlul Bayt, qui adorent les imams, et ainsi de suite. Tout ce qu'ils adorent en dehors d'Allah, c'est le batil. Le seul qui est le haqq, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Le seul qui mérite d'être adoré, c'est le haqq. Si quelqu'un n'a pas compris ça, il n'a rien compris de l'islam. Peu importe qu'il prie, peu importe qu'il fasse le hajj, qu'il fasse le jeûne, qu'il fasse les zikr, qu'il fasse toutes les adorations qu'il veut, qu'il peut s'imaginer dans sa tête. S'il n'a pas compris ça, il n'a rien compris à l'islam. Il n'est pas musulman s'il n'a pas compris cette réalité-là. C'est ça l'islam, c'est ça le cœur de l'islam. Il n'y a pas d'islam sans ça. D'accord? Donc, le cheikh il dit wa anna ma ubida min dunihi ma'budun batil, c'est faux. Si c'est adoré en dehors d'Allah, c'est faux automatiquement, pas de question, hein. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il dit et nous avons suscité dans chaque nation un messager pour dire aux hommes, adorez Allah et écartez-vous du tagout. C'est-à-dire, unifiez Allah subhanahu wa ta'ala, écartez-vous du tagout. Écartez-vous du tagout. Cessez d'adorer le tagout, c'est ça ce que ça signifie. Et éloignez-vous du tagout. Et le tagout, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Hein? Parmi les hommes, parmi les djinns, parmi les anges, parmi les objets inertes, peu importe qu'est-ce qui peut être adoré, si les gens l'adorent en dehors d'Allah, c'est un tagout. Hein? Sauf si, bien entendu, il déteste cela et qu'il n'en est pas satisfait. S'il déteste cette adoration que les gens lui offrent et qu'il n'en est pas satisfait, alors dans ce cas-là, il n'est pas un tagout. Mais les gens le prennent comme une idole et un tagout. Comme par exemple, Isa alayhi salam. Isa alayhi salam, il n'est pas satisfait que les hommes l'adorent en dehors d'Allah et il déteste ça. Dans ce cas-là, il n'est pas un tagout. Mais les gens l'ont pris comme une idole et les gens l'adorent en dehors d'Allah. Hein? Donc les prophètes, quand ils sont adorés en dehors d'Allah, ils n'acceptent pas ça et ils rejettent ça. Hein? Mais les gens les ont adorés contre leur gré, contre leur gré. Ils n'ont pas jamais demandé aux hommes d'être adorés. Et nulle part, tu vas lire toute le Nouveau Testament et la Bible des chrétiens au complet. Tu vas chercher un endroit, est-ce que c'est écrit, où Isa alayhi salam dit aux gens, hein, adorez-moi, c'est moi Dieu. Nulle part il dit ça. Nulle part il a dit ça. Au contraire, il dit le contraire. Hein? Et donc ça c'est la preuve du mensonge et de la fausseté de ce que ces gens-là pratiquent comme religion aujourd'hui. Et il y en a parmi les musulmans aujourd'hui qui disent, non c'est pas grave, c'est pas grave qu'est-ce que tu adores, l'important on adore tous Dieu en arrière. Et donc l'objectif c'est ça le point le plus important, c'est qu'est-ce que tu adores en arrière. Tu passes par des hommes, tu passes par des statues, tu passes par des idoles, mais en arrière l'objectif c'est Dieu. Donc c'est pas grave, tu peux continuer. Hein? Et donc on fait des rapprochements entre les religions, on veut rassembler les religions. Ça c'est une idée de kufr et de shirk, d'égarement. Hein? Ceux qui travaillent dans ces genres de groupes, de dialogue avec les différentes religions, hein? Et qui disent aux chrétiens, oui vous êtes corrects, c'est bon, et nous on est corrects, on est bon, et tout le monde est bon, tout le monde a une bonne religion. Hein? On va juste arrêter de critiquer les différentes religions, puis on va tous s'accepter, travailler ensemble. A'oudou billah. Est-ce que c'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu enseigner? Est-ce que c'est ça que Isa alayhi sallam est venu enseigner? Est-ce que c'est ça que Moussa alayhi sallam est venu enseigner? Est-ce que c'est ça que Ibrahim est venu enseigner? Aucun des messagers n'a jamais enseigné de telles choses. Tous ces gens-là ont contredit la da'wah des messagers. Hein? Donc ça c'est important de le comprendre. Donc Inch'Allah, comme j'avais annoncé déjà dans le passé que j'allais commencer une série de cours sur justement les dialogues interreligieux, et j'ai pas encore commencé de le faire, mais Inch'Allah je vais le faire parce que je suis en train de rassembler les livres nécessaires et les choses nécessaires pour justement bien préparer le sujet, parce que jusqu'à maintenant j'ai pas encore tous les livres qu'il me faut à ce sujet là donc Inch'Allah, aussitôt que j'aurai rassemblé tout ce qu'il me faut pour bien présenter le sujet, Inch'Allah, on va faire quelque chose à ce sujet là clarifier la situation et réfuter les faussetés à ce sujet là aussi, Inch'Allah. Donc qu'est-ce qu'il dit ensuite le cheikh? إذ والمقصود أن الطاغوت كل ما عبد من دون الله من الجمادات وغيرها ممن يرضى بذلك أما من لا يرضى بذلك كالملائكة والأنبياء والصالحين فالطاغوت هو الشيطان الذي دعا إلى عبادتهم وزينها للناس. Donc le cheikh il dit, donc qu'est-ce qu'on veut dire, c'est que le tagout c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah parmi les choses inertes et les autres également qui ont été satisfaits d'être adorés en dehors d'Allah. Hein? Donc, celui qui n'a pas été satisfait d'être adoré en dehors d'Allah, comme par exemple les anges, les prophètes, les hommes pieux, les salihin, ceux-là, ils n'ont pas été satisfaits d'être adorés. Dans ce cas-là, le tarout, c'est le shaitan qui a invité les gens à les adorer et qui a embelli pour eux leur adoration. Dans ce cas-là, le tarout, c'est le shaitan. Parce que c'est le shaitan qui les a incités à adorer les prophètes et les anges. Hein? Je me souviens, j'étais dans un avion, quand je suis revenu d'Afrique, j'avais pris l'avion vers la France, et il y avait un groupe de pèlerins chrétiens qui sont rentrés dans l'avion, des pèlerins catholiques. Et à côté de moi, il y avait une personne justement qui lisait un livre, c'était écrit, ça s'appelait « L'adoration des anges ». Et là, quand j'ai commencé à discuter, j'ai dit « Mais comment vous pouvez adorer les anges ?» Oui, tu invoques des anges, tu pries à des anges, puis ils viennent t'aider. Hein? Ils viennent te parler, ils viennent essayer ça. Ils viennent par exemple pour te venir en aide quand tu as un problème. Et puis la personne m'a donné l'exemple de quelqu'un qui avait elle avait pris un ange, et quand elle avait un malheur ou un problème, l'ange est venu, puis il l'a sauvé de ce danger-là. Et j'ai dit, les anges ne peuvent rien faire d'eux-mêmes. Les anges sont sous le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc tu dois pas invoquer les anges, tu dois invoquer Allah de te protéger. Parce que c'est Allah qui décide si l'ange peut te protéger ou non. Donc pourquoi pas demander à celui qui contrôle les anges, au lieu de demander aux anges directement, puisque tu les vois même pas. Hein? Tu les vois même pas. Et donc c'est pour cette raison-là que d'invoquer des anges ou d'invoquer des djinns, c'est du shirk. Hein? Ça rentre dans le shirk. Donc le cheikh il dit, il y a des gens comme ça des fois maintenant aujourd'hui c'est ça, surtout parmi les peuples qui pratiquent ces choses-là, parmi les peuples qui pratiquent le shirk, ils s'imaginent toujours qu'ils comprennent quelque chose de plus que les gens qui sont sur le tawhid. Hein? Ils disent, ah ben vous dites qu'on ne peut pas adorer les djinns, vous dites qu'on ne peut pas adorer les anges, hein? Mais nous on l'a fait puis ça marche. Hein? Donc ils s'imaginent que parce que ça marche, ça veut dire que c'est permis. Hein? Et qui vous a dit que c'est pas une épreuve de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala justement, qui veut vous éprouver? C'est pas parce que ça marche que c'est permis. Hein? C'est comme quelqu'un qui dit, ouais, ben j'ai joué à la loterie, j'ai gagné $1 million. Donc ça marche, je suis devenu riche. Est-ce que parce que tu es devenu riche de cette manière-là, ça prouve que c'est halal? Hein? Est-ce que le fait, par exemple, de dire, bon, moi je veux devenir riche, je vais vendre de la drogue. Est-ce que parce que quelqu'un a réussi de devenir riche en vendant de la drogue, est-ce que ça veut dire que c'est permis de le faire? Donc c'est la même chose. Même si t'as fait quelques invocations et Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que cette invocation que tu as fait pour les djinns ou pour les anges soit exaucée à ce moment-là, hein, c'est une question de coïncidence. Ça s'est produit comme ça et Allah a voulu que ça se produise comme ça justement pour t'éprouver, hein, et pour voir est-ce que tu vas continuer dans le shirk, hein, ou bien est-ce que tu vas réaliser que tu as contredit le tawhid et que tu vas revenir à Allah et que tu vas te repentir. Et souvent quand ces choses-là se produisent, quand vous voyez des gens qui vont adorer des tombes ou des saints ou des djinns et que quand ils demandent quelque chose ça se produit, c'est parce que ça, Allah fait ça pour leur mettre la fitna et pour qu'ils s'enfoncent encore plus dans leurs égarements parce qu'ils se sont aveuglés. Et donc c'est une punition pour eux que ce genre d'invocation-là soit exaucée. C'est une punition pour eux et c'est pas une miséricorde pour eux. C'est pas un bien pour eux comme eux ils s'imaginent. Hein? Et donc malheureusement, souvent ces gens-là ils réalisent pas ça. Donc le cheikh il dit ensuite فَالرُّسُلْ والأنبياء والملائكة وكل صالح لا يرضى أن يعبد من دون الله أبدا بل ينكر ذلك ويحاربه فليس بطاغوت وإنما الطاغوت كل ما عبد من دون الله ممن يرضى بذلك كفرعون وإبليس وأشباههما ممن يدعو إلى ذلك ويرضى به وهكذا الجمادات من الأشجار والأحجار والأصنام والمعبودة من دون الله والأصنام المعبودة من دون الله كلها تسمى طاغوتا بسبب عبادتها من دون الله. Donc le cheikh il dit, donc les messagers, les prophètes, les anges, toutes tout être qui est vertueuse et pieuse, toute personne pieuse, elle n'est jamais satisfaite d'être adorée en dehors d'Allah. Et au contraire, même, elle va dénoncer ça. Et elle va combattre ça. Donc, dans ce cas-là, c'est pas un tarout. Le tarout, c'est uniquement les choses qui sont adorées en dehors d'Allah et qui sont satisfaites d'être adorées en dehors d'Allah. Comme par exemple, Pharaon et Iblis, et les shayatins parmi les hommes, parmi les marabouts et les autres qui aiment que les gens les adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui demandent aux gens de se prosterner devant eux, ou qui ne le demandent pas, mais lorsque les gens le font, ils les laissent faire. Ils les laissent faire. Subhanallah, tu vois ça des fois dans certains pays musulmans. Les gens rentrent devant eux, ils viennent en rampant devant eux et ils embrassent leurs pieds. Ça, c'est de l'adoration, ça, qu'ils font pour ces hommes-là. Ils pensent que ce sont des marabouts et qu'ils méritent qu'on se rabaisse devant eux, comme on se rabaisse devant Allah. A'udhu billah. Donc, celui qui est satisfait qu'on l'adore en dehors d'Allah, comme le shaitan, comme Iblis, comme Pharaon, ceux-là sont des tarouts. De même que les choses inertes, comme par exemple les arbres, les pierres, les roches, les idoles que les gens ont sculptées, qui sont adorées en dehors d'Allah, tout ça c'est des tarouts. On les appelle tarouts parce qu'ils sont adorés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il dit ensuite, وفي هذا المعنى يقول سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذه الآية مثل الآية السابقة يبين فيها سبحانه أن دعوة الرسل جميعا هي الدعوة إلى التوحيد والإخلاص العبادة لله وحده جل وعلا دون كل ما سواه. ولو كان قوله لا إله إلا الله يكفي مع قطع النظر عن تخصيص الله بالعبادة والإيمان به والإيمان بأنه هو المستحق لها لم امتنع الناس من ذلك. ولكن المشركين عرفوا أن قولها يبطل آلهتهم وأن قولها يقتضي أن الله هو المعبود الحق والمختص بذلك جل وعلا. Donc, le Cheikh il dit donc que ça c'est la même signification lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 25 dans Surat Al-Anbiya, et nous n'avons envoyé de messagers avant toi excepté pour qu'ils disent, excepté qu'on lui a révélé, on lui a révélé que rien ne mérite d'être adoré excepté moi, alors adorez-moi. C'est-à-dire, rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, alors adorez Allah. Donc dans ce verset et dans le verset précédent, la même chose, c'est la même signification. Allah subhanahu wa ta'ala explique que ça c'est la da'wah de tous les messagers. On n'a pas envoyé de messager avant toi, excepté qu'on lui a révélé ça. On lui a révélé de dire aux gens, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Fa'budullah. C'est ça qu'il disait à leur peuple. Rien ne mérite d'être adoré, excepté Allah, alors adorez Allah. Adorez Allah seul. Et donc, de purifier notre adoration pour Allah seul et d'appeler les gens au tawhid, en dehors de toute autre chose. Et si c'était suffisant de juste dire que les gens répètent seulement la ilaha illallah seulement, sans prendre en considération que l'adoration doit être exclusivement pour Allah dans les faits, et bien dans ce cas-là, les gens, ils ne se seraient pas empêchés de le dire. C'est-à-dire que les mushrikoun, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils n'ont pas dit, bah ok, il veut qu'on dise ça, ben on va le dire. Ils veulent qu'on dise la ilaha illallah, ok, on va le dire, il va nous laisser en paix après. On va continuer à adorer nos idoles. Il va nous laisser en paix. On va juste dire la parole. C'est pas ça le but. C'est ça que le cheikh explique ici. Il dit, le but, c'est pas juste de dire la parole, puis après tu continues à faire ce que tu fais. Comme le cheikh, il l'explique. Le but, c'est que si tu dis cette parole, ça veut dire que tu as compris ce que ça signifie. Et que tu as compris que tu dois limiter ton adoration à Allah seul. Et que tu dois croire que c'est lui seul qui mérite d'être adoré. Si c'était juste de dire la parole, ben personne n'aurait refusé de le dire. Qu'est-ce que ça leur aurait dérangé de dire ça? Rien, ça leur coûte rien. Ils auraient juste dit la ilaha illallah et c'est tout. Non, parce que les mouchrikounes ont compris que s'ils disent la ilaha illallah, ça vient annuler la validité de leurs idoles et de leur adoration en dehors d'Allah. Hein? Et que de dire la ilaha illallah, ça implique que Allah seul, c'est lui qui mérite d'être adoré. Et que c'est à lui seul qu'on doit vouer notre adoration. فلهذا أنكروها وعادوها واستكبروا عن الاستجابة لها فاتضح بذلك أن المقصود من ذلك تخصيص الله بالعبادة وإفراده بها دون جميع ما عبد من دونه سبحانه وتعالى من أنبياء أو ملائكة أو صالحين أو جن أو غير ذلك لأن الله سبحانه هو المالك الرازق القادر المحي المميت الخالق لكل شيء المدبر للأمور لأمور العباد فهو المستحق لأن يعبد جل وعلا وهو العليم بأحوالهم سبحانه وتعالى فلذلك بعث الرسل لدعوة الخلق إلى توحيده والإخلاص له ولبيان أسمائه وصفاته وأنه المستحق لأن يعبد ويعظم لكمال علمه وكمال قدرته وكمال أسمائه وصفاته ولأنه عز وجل النافع الضار العالم بأحوال عباده السميع لدعائه الكفيل بمصالحهم جل وعلا فهو المستحق لأن يعبد جل وعلا دون ما سواه سبحانه وتعالى وقد أخبر سبحانه عن نوح وهود وصالح وشعيب عليهم الصلاة والسلام أنهم قالوا لقومهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فهذا مطابق لقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Donc le cheikh explique ici, dit donc que les mouchrikoun, ils ont refusé de dire la ilaha illallah, ils ont détesté la ilaha illallah, et ils se sont enflés d'orgueil de dire ou de répondre à l'appel de la ilaha illallah. Hein? Donc on comprend ici que le but pour ceux qui parlent et qui disent que l'important c'est de comprendre les objectifs de la sharia, eh bien le but et l'objectif de dire la ilaha illallah, c'est d'arriver à rendre l'adoration exclusive à Allah et de faire en sorte que seul Allah soit adoré en dehors de toute autre chose. Hein? En dehors de toute autre chose parmi les prophètes, les anges, les hommes pieux, les djinns, ainsi que toute autre chose qui peut être adorée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Donc il y en a des gens parmi les groupes maintenant et parmi les individus qui prétendent appeler à l'islam ou qui prétendent faire la da'wa à l'islam. Hein, ou qui prétendent ramener les gens à la pratique de la religion, tu vois qu'ils voient des gens qui commettent le shirk dans les pays musulmans, ils ne disent rien. Hein, ils voient les gens qui commettent le shirk, ils font juste les appeler à venir prier à la mosquée. Mais qu'est-ce que ça va faire à quelqu'un si il vient prier à la mosquée, mais que quand il sort, il va aller à la tombe, il demande aux saints et aux morts. Est-ce que sa prière va être acceptée s'il est dans le shirk? Hein? Donc c'est pas le fait de juste de dire on va appeler les gens à venir faire la prière, ou tu vois des gens qui boivent de l'alcool et qui font du zina ou d'autres péchés, tu les vois en train de faire ces choses là mais ils invoquent les morts et les saints, et toi tu te concentres sur les péchés qu'ils font et tu laisses le shirk comme si c'était un détail qui n'est pas important. Oui, on va les laisser continuer à adorer les tombes. L'important, il cesse de boire de l'alcool. L'important, il cesse de manger du porc. L'important, il cesse de faire le zina. Mais le shirk, c'est plus grave que tout ça. S'ils meurent en faisant le zina ou en buvant de l'alcool, ils peuvent être sous la miséricorde d'Allah. Ils sont sous la miséricorde d'Allah. Si Allah veut, il peut les pardonner. Ou bien il peut les punir pour un certain temps. Mais ils vont aller au paradis par la suite. Parce qu'ils n'ont pas fait, et parce qu'ils sont morts sur le tawhid malgré ces péchés qu'ils faisaient. Mais s'ils meurent sur le shirk, hein, s'ils meurent sur le shirk sans avoir commis aucun de ces péchés-là, ils n'ont aucun espoir d'aller au paradis par la suite. ils n'ont aucun espoir d'aller au paradis par la suite. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il dit inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas qu'on commette le shirk avec lui et qu'on associe avec lui dans l'adoration, mais il pardonne tout autre péché à qui il veut. Hein? Donc c'est le shirk le plus grave de tous les péchés. Hein? Et c'est là-dessus qu'il faut se concentrer dans la da'wah. Et c'est ça le premier de tous les de toutes les choses qu'il faut expliquer. C'est ça la base. Hein? Et donc le cheikh il dit donc que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, comme parmi les prophètes, parmi les anges, parmi les saints, parmi les djinns ou autre chose, hein, ça doit être rejeté. Hein? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le seul qui est le maître, c'est lui le seul qui est le pourvoyeur, c'est lui le seul qui est tout puissant, c'est lui le seul qui fait vivre et qui fait mourir et qui a créé toutes choses et qui gère toutes choses dans l'univers, qui gère les affaires de ses serviteurs. Et c'est donc lui seul qui mérite d'être adoré en dehors d'Allah, parce que c'est lui l'omniscient qui connaît tous les aspects et les affaires de ses créatures. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a fait venir des messagers. Il a envoyé des messagers pour appeler la créature à ce tawhid, à ce qu'on unifie Allah dans l'adoration et qu'on lui voue un culte pur, uniquement pour lui. Un culte sincère, une adoration sincère pour Allah seul. Et pour clarifier, et également pour clarifier les noms et les attributs d'Allah. Pour que les hommes sachent que Allah subhanahu wa ta'ala, hein, il est Ar-Rahman, le tout miséricordieux, qu'il est au-delà de son trône, au-dessus de son trône. Hein? Il n'est pas partout, hein, comme disent les koufars et les mouchriquins, qu'il est mélangé avec sa création, ou bien comme d'autres parmi les égarés qui nient l'existence d'Allah et qui disent qu'il est nulle part, hein? Comme les Ahbash et les Asha'ira et les Maturidiyya et d'autres parmi les groupes d'égarements et les Jahmiyya. Il dit non, Dieu n'est pas à l'intérieur du monde, il n'est pas à l'extérieur du monde, il n'est pas en haut, il n'est pas en bas, il n'est pas à gauche, il n'est pas à droite, ils le décrivent par le néant. Hein? Il dit non, tu ne peux pas dire que Allah est au-dessus de son trône, parce que si tu dis ça, ça implique qu'il est dans un espace, et si tu dis ça, donc ça veut dire qu'il est créé, et si tu dis ça, donc ça veut dire que c'est kufr, et donc tu ne peux pas dire ça, alors que c'est Allah qui dit ça dans le Coran, Ar-Rahman ala al-arsh istawa thumma istawa ala al-arsh, hein, kama yaliqu bi jalalihi subhanahu wa ta'ala. Et en plus il dit ensuite laysa kamithlihi shay, il n'y a rien qui lui ressemble, wa huwa as-sami'u al-basir, et il est l'audient et le voyant. Donc tu l'affirmes et tu crois en lui tel qu'il s'est décrit, et tu n'essaies pas d'imaginer dans ta tête, et tu ne le compares pas à sa création, tu ne fais pas de tashbih, hein, tu ne fais pas de ressemblance entre le créateur et la créature. Mais ces gens de bid'a parmi les ahbash et les autres, hein, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent ouais mais bon, si tu dis qu'il est au-dessus de son trône, ça implique ça, ça implique ça, ça implique ça. Qui t'a dit ça? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dis pas qu'Allah est au-dessus de son trône, parce que si tu dis qu'il est au-dessus de son trône, ça implique ça, ça implique ça, ça implique ça. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà dit ça? Est-ce que les sahaba ont déjà dit ça? Est-ce que les tabi'in ont déjà dit ça? Tout ça c'est des bid'a qui sont venus de la part des philosophes grecs et des égarés parmi ceux qui les ont suivis après, parmi les sectes comme les Jahmiyyah, les Mu'tazila et ensuite les Asha'ira, les Maturidiyya, qui ont essayé de réfuter les Mu'tazila sans se baser sur le Coran et la Sunna. Ils se basent sur la logique pour essayer de réfuter les philosophes. Alors ils ont fait la même erreur que les philosophes. Ils n'ont pas réussi à défendre l'islam ni à détruire les arguments des philosophes. Ils sont tombés dans le piège. Hein? Donc c'est ça le malheur. Donc on affirme les attributs d'Allah et on croit en Allah tel qu'il s'est décrit. C'est lui seul qui mérite d'être adoré, hein, et d'être exalté et d'être respecté à cause de la perfection de sa science, la perfection de sa puissance, la perfection de ses noms et de ses attributs, et le fait que c'est lui le seul qui peut te nuire et qui peut te profiter. C'est lui qui connaît tous les aspects de la vie de ses serviteurs et de l'existence de ses serviteurs, et qui est l'audient, qui entend leurs dua et qui est garant, hein, de tous leurs intérêts, de tout ce qui est bon pour eux sur la terre. Donc c'est lui seul qui mérite d'être adoré, et il n'y a rien d'autre en dehors de lui qui mérite d'être adoré, subhanahu wa ta'ala, comme Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné de la part de tous les messagers comme Nuh et Hud et Salih et Shu'aib alayhimus salatu wassalam. Ils ont tous dit à leur peuple, adorez Allah, vous n'avez en dehors de lui rien à adorer. Ma lakum min ilahin ghayru. Vous n'avez rien en dehors de lui qui mérite d'être adoré. Et ça, c'est en accord complètement, et ça correspond complètement à la signification lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat An-Nahl, le verset 36, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ الرَّسُولَ. Nous avons fait susciter dans chaque nation un messager pour dire adorez Allah et écartez-vous du ta'ahout. وَقَدْ أَجَابَ قَوْمُ هُودٍ نَبِيَّهُمْ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِقَوْلِهِمْ أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَقَدْ عَلِمُوا الْمَعْنَى وَعَرَفُوهُ وَهُوَ أَنَّ دَعْوَةَ هُودٍ عليه الصلاة والسلام تقتضي إخلاص العبادة لله وحده وخلع الأوثان والمعبودة من دونه ولهذا قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين فاستمروا على العناد والتكذيب حتى نزلت بهم العذاب نسأل الله العافية. Donc, le cheikh, qu'est-ce qu'il dit ici ensuite? Il explique. Il dit, le peuple de Houd, ils ont répondu à l'appel de leur prophète en disant, est-ce que tu nous es venu pour qu'on adore Allah seul et qu'on abandonne ce que nos ancêtres, nos parents adoraient? C'est-à-dire, est-ce que tu veux qu'on adore Dieu seul et qu'on abandonne les choses que nos ancêtres adoraient? C'est ça qu'ils ont répondu à leur prophète. C'est la preuve qu'ils ont compris la ilaha illallah. Ils ont compris la ilaha illallah, c'est pour ça qu'ils ont refusé de le dire. Ils ont compris la ilaha illallah, mais ils ont refusé d'y croire. Tandis que les mu'minoun, quand ils ont entendu la ilaha illallah, ils ont accepté d'y croire. Et ils ont dit oui. Rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Tandis que les mushrikoun, eux, quand ils ont entendu la ilaha illallah, ils ont dit quoi? Ils ont dit, est-ce que tu veux qu'on adore Dieu seul et qu'on abandonne ce que nos ancêtres ont adoré? En voulant dire, mais non, jamais, on ne va jamais abandonner ça. On veut adorer Allah, mais on ne veut pas adorer Allah seul. On veut adorer Allah et avec lui, on va adorer d'autres aussi. On va adorer ce que nos ancêtres ont adoré. Ça fait partie de notre culture. Ça fait partie de notre coutume, ça fait partie de nos traditions, ça fait partie de notre patrimoine, ou peu importe quelle autre excuse ils peuvent trouver. C'est comme ça que les peuples ont refusé la da'wah des messagers et qu'ils ont refusé le tawhid. Et c'est la preuve qu'ils ont compris et qu'ils ont su qu'est-ce que ça signifie la ilaha illallah. Et que la ilaha illallah, ça implique que tu dois purifier ton adoration pour Allah seul. Et que tu dois abandonner toutes les idoles ou tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'ils ont dit à leur prophète, comme c'est mentionné dans Surat Al-A'raf, le verset 70, ils ont dit à leur prophète, le peuple de Houd ont dit à leur prophète, est-ce que tu nous viens pour qu'on adore Allah seul, puis qu'on abandonne ce que nos ancêtres ont adoré? Alors ramène-nous ce que tu nous... Ce de quoi tu nous promets qu'il va arriver, c'est-à-dire amène le châtiment si tu dis la vérité. C'est ça ce qu'ils ont dit. Et ils ont persisté à faire leur transgression, à traiter les messagers de mensonges jusqu'à ce que le châtiment d'Allah tombe sur eux. Nasallallahu ala afia. Donc c'est ça la réalité de la da'wah des messagers. Actuellement, c'est ça qu'il faut appeler les musulmans à comprendre et à connaître. Appeler les musulmans au tawhid et à la sunna. C'est ça la da'wa salafia. C'est ça la da'wa des salafs. C'est ça la da'wa des messagers. Il n'y a pas d'autre islam que cet islam. Il n'y a pas d'islam sans ce tawhid. Et c'est ça que nous devons réaliser et comprendre. Et c'est à ça qu'on doit appeler tous les gens, les musulmans et les non-musulmans. Peu importe la religion, les juifs, on doit leur appeler à l'islam. On doit les appeler au tawhid. Les chrétiens, on doit les appeler au tawhid. Les bouddhistes, il faut les appeler au tawhid. Les hindous, il faut les appeler au tawhid. Les athées, il faut les appeler au tawhid. Les laïcs, il faut les appeler au tawhid. Tous ces mushrikoun, tous ces kuffars, sans exception, il faut les appeler au tawhid. C'est ça la religion de l'islam. C'est ça le cœur de l'islam. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah, et on continuera cette explication-là dans les cours qui vont suivre dans l'avenir, Inch'Allah. Pour le cours d'aujourd'hui, sur l'explication de la parole de Ibn Sirin, on va la faire demain, Inch'Allah, parce que j'aurai pas l'occasion de la faire maintenant, puisque je dois partir pour une invitation que j'ai reçue. Donc, le cours d'aujourd'hui qui devait être maintenant, Inch'Allah, il va être fait par la suite demain, à la même heure, Inch'Allah. Et donc, أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Et je voulais seulement dire que les conférences qu'on a commencé hier et aujourd'hui, Inch'Allah, je vais les continuer à différentes occasions, Inch'Allah, bi'iznillah. Donc, jazakumullahu khayran, espérons que ça a été bénéfique pour nous tous et que Allah accepte de notre part ces actions qu'on a fait, de se rappeler de ses paroles et de sa religion, et on espère que ça rentre dans le cœur de ceux qui ont entendu et que Allah subhanahu wa ta'ala nous guide vers le droit chemin. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah, d'accord.